regard comme un coup de poignard. Une silhouette comme une volute et un linceul de cheveux noirs. Inégale est la lutte. La nuit tu m'attends au creux de tes draps. Probable que tu n'existes pas. La nuit tu m'attends et je serai là. À verser mon sang à côté de toi. Au creux de tes...